sens, sable plein les yeux. Tu ris, tu penses, tu crois en Dieu. Vie de printemps, sans d'automne. Tu doutes tout le temps, tu ris, tu t'étonnes. Comme toi, je vis, comme toi. Parfois si tranquille, blessure du cœur, pourquoi s'enfuir? Souliers de satin, gestes de douceur, matin refrain et matin de feu. Sourire de faïence, gestes de douceur, mystère de souffrance et mystère du cœur. Comme toi je vis, comme toi. Tranquille, blessure du cœur, pourquoi s'enfuir? Morsure de serpent, cerf-volant de papier. Tu vis et t'attends simplement d'être aimé, comme si pour toi tout n'est qu'illusion. Que sont tes passés, le diapason, comme toi. Tranquille.